Un vent nouveau souffle sur la science-fiction internationale, un vent plus divers, plus égalitaire, qui propose une relecture intime, personnelle des tropes de la SF. River Solomon fait partie de ce nouveau mouvement. Autrice new-yorkaise queer, elle travaille un imaginaire afro-futuriste où ses personnages prennent à bras-le-corps l'histoire et les traumatismes du peuple afro-américain. Après un premier roman de pure SF, L'incivilité des fantômes, et un court deuxième roman qui revient sur la traite des esclaves, elle sort Soroland, un conte fantastique très sombre qui critique tant les communautés religieuses que l'appropriation des terres par les colons britanniques. River Solomon est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour River Solomon. Hello. Bonjour. Very nice to have you. On est ravis de vous accueillir à ce micro. Vous venez de publier en France votre troisième roman, Soroland, qui est traduit par Francis Guévremont, Aux Forges de Vulcain. En trois romans, vous êtes imposé comme une des plumes singulières et importantes d'une nouvelle génération de littérature de l'imaginaire, une littérature politique, queer, qui trace le sillon de la mémoire et des traumatismes collectifs de la population noire américaine, dans les pas d'Octavia Butler, mais aussi Ursula Le Guin, ou plus récemment Neddy Okorafor ou Ada Palmer. Un vent nouveau souffle sur la SF internationale, un vent qui change les règles, qui déconstruit les automatismes, qui propose une littérature renouvelée, consciente, singulière, ici en France avec Sabrina Calvo ou Michael Rock, qui était à ce micro il y a peu. Vous vous rendez compte que cette nouvelle génération est en train de changer les règles du vieux monde de la SF ? Oui, j'ai bien l'impression. Personnellement, je ne manque pas d'ambition et quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, je veux faire quelque chose de puissant, je veux écrire quelque chose qui relate mes expériences, mais aussi les expériences de la diaspora noire dans son ensemble. Je veux parler des délaissés, des laissés pour compte, les gens invisibilisés dans la littérature et dans la culture, et je voulais annoncer notre existence. J'allais dire notre émergence, mais non, notre existence, tout simplement. Donc, oui, j'ai cette conscience-là. C'est tout à fait stimulant, c'est excitant, et c'est très chouette de faire partie de ce mouvement. Si on parle d'une seule personne qui s'exprime, c'est bien, mais seul on ne peut pas faire grand-chose. En réalité, il faut contextualiser tout ça. Et il faut travailler ensemble. Il y a des gens formidables qui écrivent des choses incroyables. Et cela transforme le potentiel de la littérature spéculative. It was about time, non? Yeah. On en avait besoin de cette nouvelle littérature. Yes, absolutely. Oui, absolument. Il était grand temps. En fait, j'ai eu de la chance. Quand j'étais au lycée, j'étais dans un quelconque lycée public à Brooklyn, là où j'habitais à l'époque, eh bien, à la bibliothèque du lycée, il y avait un ouvrage de Tananarive Diouf. Je ne sais pas si vous la connaissez, si elle est connue en France. Tananarive Diouf, notez ce nom. Extraordinaire, elle écrit des romans d'horreur noirs. Toute son œuvre, ou tout son œuvre même, viscérale. Ça relate les expériences noires absentes de la littérature jusqu'alors. Le livre que j'ai lu a dû être écrit en 2001-2002, je crois, et ça m'est tombé entre les mains pour la première fois. Donc c'était disponible à la bibliothèque de mon lycée. Et bien que l'on dise qu'il soit grand temps, il y a pas mal de gens qui ont ouvert les voies du possible. River Solomon, nous allons apprendre donc à vous découvrir un peu avant de plonger dans vos recueils. J'aime toujours demander à mes invités quel est la première image, le premier film, le premier extrait de livre qui a marqué leur imaginaire. Et vous avez déjà répondu à cette question, mais alors c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France. Ça s'appelle Lou Astin, The Little Me and the Great Me, qui est un livre de 1957. Expliquez-nous ce que c'est. Ah, it's a little picture book. Ben, c'est un petit livre d'images. C'est mon père qui me le lisait. Alors, je ne sais pas si c'est son exemplaire quand il était enfant, mais quoi qu'il en soit, il me lisait ce livre sans arrêt. C'est un peu, comment dire, désuet. Il y a des illustrations. Il s'agit d'un enfant qui vit son expérience et il y a des thèmes formidables. Donc, c'est quelqu'un de généreux, de formidable. Small and scared and frightened and angry. Il y a de la colère, il y a de la gentillesse, il y a de la tristesse. Et ce livre, eh bien, je m'y retrouve beaucoup. Le Little Me, ce petit moi, eh bien, c'est moi, oui, oui. Ce livre, en fait, c'est un livre pédagogique pour les enfants sur la gestion des émotions, les choses comme ça. I'm still trying to manage et moi, j'essaie encore de gérer mes émotions, je dois dire. Mais on essaie toute notre vie de manager nos émotions et de les gérer. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce livre vous a marqué à ce point-là? C'est le même rapport que j'ai à l'art, à vrai dire. L'écriture, la littérature, la fiction spéculative et ainsi de suite. En fait, il s'agit d'expériences émotionnelles intenses. C'est ça que je veux vivre dans mon écriture. Je veux attirer les gens dans ce monde d'intensité, de feu. Parce que, à mon avis, c'est là, à cet endroit-là que l'on peut établir des relations, envisager des mutations, des changements, une catharsis, une prise de conscience. Et par ailleurs, je pense que ce livre porte sur être quelqu'un de bien. Et ça, c'est une question que je pose dans mon dernier roman. Comment être quelqu'un de bien malgré toute la douleur? Bien qu'il s'agisse d'un livre d'enfant, c'est un thème très fort qui est présent là-dedans. Et moi, je dois dire que mes points de vue politiques sont difficiles à partager avec l'ensemble des gens que je côtoie, mais comment être quelqu'un de bien au mieux de soi-même, en quelque sorte, malgré les expériences, particulièrement les expériences difficiles. Le livre le plus important quand j'ai grandi, c'est La couleur pourpre d'Alice Walker, vous avez dit. Oui, c'est ça, La couleur pourpre. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à en parler parce qu'Alice Walker, écrivaine incroyable, esprit supérieur, eh bien, au cours des dernières années, Alice Walker a tenu des propos troublants, antisémites, violemment antisémites. Mais, quoi qu'il en soit, cet ouvrage était très important pour moi. Et avant de lire La couleur pourpre, le film est sorti avec Whoopi Goldberg, notamment. Et c'est un film de ma famille, en fait, un film que l'on regardait plusieurs fois ensemble en famille. Quand je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et cela fait écho dans tout ce que j'écris, je crois. Cette couleur pourpre, cette notion de champ, de fleurs sauvages, et il y a cette beauté, et en même temps, il y a de la souffrance, de la douleur. Tout cela pour dire que la vie est formidable et en même temps ça peut être terrible, horrible. Et comment se frayer un chemin au milieu de toutes ces tensions et de toutes ces contradictions? Je garde ça à l'esprit encore aujourd'hui. Vous êtes né en 1989 en Californie à Long Beach, mais vous avez beaucoup voyagé pendant votre enfance, au Texas notamment, à New York. Et c'est à New York que vous rencontrez la communauté underground, que vous vous identifiez comme queer. C'est un moment important dans votre construction individuelle. Yeah, so oui. Yes, I basically consider, you know, I came of age in New York City. Ma maturité, je l'ai vécue dans la ville de New York. Quand on a 15 ou 16 ans, c'est un endroit formidable pour découvrir qu'on est queer. C'est une ville phénoménale, New York. Surrounded and immersed in on est immergé dans les gens, ces artistes, les créateurs de la communauté LGBT. Si vous voulez vous sentir opprimé ou endormi, c'est impossible. Parce que là, à New York, il y a sans arrêt des signaux, des messages qui vous disent « Mais réveille-toi, réveillez-vous, faites quelque chose. Reconnaissez qui vous êtes, assumez-vous, et ainsi de suite. » Sans arrêt, ces messages. Et moi, j'ai grandi dans un ménage, une famille où ma mère a des idées très ouvertes, et ainsi de suite. Donc, je ne me suis pas senti dans une position d'anxiété en arrivant dans cette communauté. Donc non, non, c'était une transition assez fluide pour moi. Et ma première petite amie que j'ai rencontrée quand j'avais 18 ans et qui m'a ouvert à ce nouvel univers était une militante. Elle était issue d'une famille de New York. Moi, je suis arrivé à New York à l'âge de 14 ans. Et elle connaissait toutes les strates de la communauté, de la ville. Elle connaissait tous les recoins sociaux, si je puis dire. Elle est décédée, malheureusement. J'en suis très triste. Elle s'est suicidée il y a quelques années maintenant. Et cette expérience me revient en mémoire très souvent. Parce que dans une ville comme New York, où il y a tout ça que j'essaie de vous décrire, il y a la liberté, il y a la lutte pour la justice, la libération, pour la libération collective, l'éveil individuel, la libération individuelle envers son identité. Et c'est difficile de survivre et de vivre lorsque le monde, presque le monde entier, vous dit ben, « mourez, allez-y, la mort c'est pour vous ». Et la solitude reste même dans les grandes villes, et quand on se bat, cette solitude peut peser très lourd. Yeah. The sense of isolation, oui, and being alone, and c'est de l'isolement, la solitude. L'aliénation du capitalisme, je ne peux pas m'obliger de dire ça. Et la réalité de la façon dont nos vies sont forgées, et il faut lutter pour avoir le droit à l'intimité, à l'identité, et il faut consacrer une énergie incroyable dans sa vie pour se demander comment on va survivre, comment est-ce que je vais pouvoir manger, comment est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, et ainsi de suite. Comment se projette-t-on, comment est-ce qu'on se projette dans la littérature de l'imaginaire, dans la science-fiction, quand on se sent queer, qu'on est non-binaire, qu'on est totalement invisibilisé par le récit majoritaire? I think for me, I mean, it wasn't even so much of a leap, you know. Et bien pour moi, ça a été une transition fluide, comme je vous disais. Je me suis dit qu'il faut que j'écrive à propos de moi-même. Bon, je dis que c'est pas si difficile et c'est fluide, mais en fait, c'est plus difficile parce que les premières histoires que j'ai racontées. En fait, j'ai écrit une histoire quand je devais avoir 13 ou 14 ans. Cela portait sur un garçon blanc qui essaye de vivre. Et puis, avec le recul, je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est ça le personnage. C'est comme ça qu'on écrit un personnage, c'est ça qu'on m'enseignait. Un garçon blanc qui, patati patata. C'est ça la littérature. Bon. Et je crois que j'ai poursuivi ça, mais qu'est-ce que c'est gênant, jusque quand j'avais 20 ou même 25 ans. Ah, j'ai honte. Bref. Donc, oui, en fait, quel changement pour moi, quelle rupture que de comprendre que cette voix qu'on vous a imposée dans l'écriture est complètement artificielle. C'est contre nature. Et il faut avoir un moment de prise de conscience pour se dire, oh là là, où est-ce que je vais? C'est pas ça, moi. Donc, il faut que je relate mes propres expériences, voilà, et je sais que c'est légitime, et je sais, de par mon expérience de vie, que ces histoires que j'essaie de raconter ont de l'importance. Très souvent, les éditeurs vont dire « Oh ben non, personne ne va s'intéresser à ça, ça ne se vend pas, c'est plutôt ça qu'il faudrait se vendre, et ainsi de suite. » Mais en fait, ce ne sont que des balivernes. Les éditeurs ont tort. Les gens veulent lire les histoires comme celles que je raconte. Même si ça ne se vendait pas, je continuerai à les écrire d'ailleurs parce que c'est très important. Moi, j'écris pour moi-même, avant tout. J'écris mes désirs, mes aspirations. J'écris mes espoirs, mes rêves, mes craintes. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes queer, d'autres personnes noires, des survivants, des gens qui ont besoin de ces récits. Ils ont besoin de voir que ces récits existent pour que ces personnes se rendent compte de leur propre existence. Parce que quand on regarde tout ce qui est mainstream, on ne voit pas d'image de soi-même et on se sent comme un fantôme parfois. Et moi, je veux dire aux gens, non, non, vous existez, vous êtes bel et bien là. And we are here. Yes. Et on peut construire une communauté sur cet imaginaire-là. Yes, absolutely. Yes, and you can find your people. Oui, et on peut trouver la communauté à laquelle on appartient. On a besoin de vous, on va vous ramener vers nous. Une autre citation de vous. De nombreux lecteurs aimeraient voir leur reflet dans la littérature et ce n'est pas souvent le cas. Je ne le ressens pas comme un acte politique parce que c'est ma vie. Je pense que l'édition change et que nous avons de plus en plus d'histoires comme celle-là, des histoires LGBTQI+. Quand on ne voit pas d'image identificatrice, c'est très facile de penser que cela n'existe pas, ce qui est une sorte d'aberration. Yeah. Yeah, that's kind of what I was just saying there, wasn't it? Oui, oui, c'est moi qui ai dit ça. Bon, bah, c'est la même chose que ce que je vous dis maintenant, là. Hein. Yeah, and I want to go back to that, like not really considering. I mean, everything is a political act. So I understand. Tout ce que l'on fait, c'est un acte politique. Tout ce que j'écris, toute action que j'entends, que j'entreprends, a un caractère politique. Cela reflète le pouvoir que l'on a, le pouvoir que l'on n'a pas aussi. I stand by that quote. Et oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ma propre citation. Vous vous souvenez des premières lectures justement qui cassent un peu ce récit majoritaire où le héros n'est pas un garçon ou un homme blanc et où vous vous dites « Ah, mais il y a effectivement des gens qui ont commencé à ouvrir ce chemin ». Je crois que j'ai été dans le déni pendant pas mal de temps. Parce que je peux vous parler de The Bluest Eye de Toni Morrison. J'ai lu ce livre quand je devais avoir quoi, 16-17 ans. Et Toni Morrison, à l'évidence, est la déesse des écrivaines. Quelle écriture, quelle plume, une écriture viscérale. Elle va dans les profondeurs des émotions. Et en lisant ce livre, je me suis dit, c'est formidable. Mais moi, je ne veux pas être écrivaine comme elle. Je crois qu'à ce moment-là, je me disais que... Comment dire? Toni Morrison, c'est une écrivaine noire féministe. Elle parle de la question noire, de la vie des noirs, c'est de la douleur, c'est sombre, etc. Et je me suis dit, non, moi, je veux pas faire partie de ça. Non, non. Et puis, j'ai écrit mon premier livre. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà. Ça va, j'ai compris. Ça y est, très bien. Autant pour moi. En fait, quel traumatisme à surmonter. Il y a des traumatismes spécifiques que je relate. Je vous ai parlé de la diaspora noire, l'expérience des Noirs américains, mais j'espère penser que c'est universel, ces préoccupations. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui, au fond de soi-même, n'ait pas le désir de liberté, le désir de tendresse, d'intimité, d'amour. Et lorsqu'on vous empêche de vivre cela, eh bien, ça vous endommage la psyché considérablement. C'est un traumatisme. Donc, I would now. Oh my gosh, how arrogant I was. Oh, I would love to be compared to Tony. Quelle arrogance! J'adorerais qu'on me compare à Toni Morrison. And I'm happy, j'aime bien qu'on dise de moi que c'est une, que je suis une écrivaine noire qui traite de questions noires. Il y a une citation de Langston Hughes. Bon, je vais complètement faire une boucherie, hein. Mais Langston Hughes, c'est un poète noir. C'était pendant la Renaissance de Harlem, à Harlem, à New York. À cette époque-là, il y avait des écrivains noirs, des poètes, ils écrivaient de la fiction, il y avait des plasticiens, à une époque où il y avait beaucoup d'ébullition culturelle. Bref, Langston Hughes, pour le citer mal, j'ai parlé à un auteur noir qui disait qu'il ne voulait pas être considéré comme un auteur noir, mais simplement un auteur. Et Langston Hughes a dit, en fait, ce qu'il disait, que si on veut pas, si tu ne veux pas qu'on pense de toi comme un auteur noir, eh bien, tu veux qu'on pense de toi comme un auteur blanc. Bon. Et ça, ça m'a frappé quand j'ai lu cette citation. Et voilà. Quel était le point de départ? Comment est né votre premier roman, L'incivilité des fantômes? The very first thing actually that I think started it was because it started from a short story. C'était une nouvelle que j'essayais d'écrire. Nouvelle qui portait reproductive justice actually was that's where the story started. It was about a young woman on a ship, une jeune femme sur un bateau. Because they have a small population. Et étant donné que la population se réduit, the state government of the ship, you know, doesn't allow abortions or anything like that. Et bien l'avortement est interdit sur le navire parce qu'il faut faire croître la population. Donc cette jeune femme veut un avortement sur ce navire, sur ce bateau. Mais si vous avez lu le roman, plutôt que de mettre l'accent sur la jeune femme qui a besoin d'un avortement, je me suis posé la question de l'avorteur. Et c'est là qu'arrive le protagoniste. De qui s'agit-il? Et je crois qu'il faut quelqu'un en dehors de la société. Et bon, à partir de là, ça fait boule de neige avec cette protagoniste. L'incivilité des fantômes, alors en quelques mots, c'est donc ça se passe dans un gigantesque vaisseau spatial, vaisseau générationnel, qui est organisé très verticalement, avec évidemment bien les dirigeants et les plus riches dans les étages du haut et les plus pauvres et les exécutants dans les étages du bas. Et on va suivre évidemment Aster, qui est une jeune femme mais sexuellement pareil un peu trouble pour des raisons qui sont expliquées plus tard et qui est dans les derniers étages et où vous reproduisez en fait finalement dans le futur une société verticale néo-esclavagiste. Pourquoi finalement le faire dans le futur et dans un cadre de science-fiction? Because I love science fiction. D'abord, j'adore la science-fiction. Having a slight displacement or disorientation of décaler la réalité, ça vous donne une meilleure perception de la réalité. Et les choses que l'on prend pour acquises, on les voit sous une lumière nouvelle. Et par ailleurs, moi, je travaille beaucoup sous forme de métaphores. Et cette notion de l'isolement avec Aster qui est déconnecté de sa patrie, la métaphore de la diaspora, vous me suivez. Et tout ça, c'est logique dans ce vaisseau spatial où on est isolé et on est éloigné de l'histoire de la Terre. Dans la science-fiction, on a tendance à travailler les métaphores et les allégories. Mais en fait, je voudrais revenir à votre question sur la première image. Mais pourquoi est-ce que ça a commencé comme ça? Eh bien, en fait, tout remonte à une colère que j'ai eue en regardant un épisode de Battlestar Galactica à la télé. C'est là le point de départ. Il était question d'avortement dans cet épisode. Ils sont sur un navire, voilà le contexte, et puis ils parlaient du besoin de travailler, de faire croître la population, voilà. Il y a un épisode de Battlestar Galactica, effectivement, où la présidente, Laura Roslin, qui est plutôt progressiste, et comme il reste très très peu d'êtres humains, se pose la question d'interdire l'avortement, parce que l'enjeu, c'est la préservation de l'espèce humaine, et ça pose un dilemme moral très très important, et c'est un épisode effectivement assez fort. It is, yeah, and I'm glad that you've seen the episode. Merci du parallèle. And I love synthèse. J'adore Battlestar Galactica. But yeah, it evoked so many emotions. Mais oui, ça convoque tant d'émotions. Had I not watched Battlestar Galactica, si j'avais pas regardé Battlestar Galactica, peut-être que j'aurais pas écrit L'incivilité des fantômes, qui sait. Pour revenir sur ce lien avec la science-fiction, vous disiez également dans une interview, et j'aime bien cette phrase, vous dites « Ce qui m'intéresse en invitant le passé dans un décor futuriste, c'est de montrer qu'on ne peut pas y échapper. » C'est cette impossibilité, c'est cette impasse, cette espèce de piège directionnel du temps qui fait que l'histoire se répète, qui vous intéresse. Yes, absolutely, and I think that oui, c'est tout à fait ça. Mythical future. Il n'y a pas d'avenir mythique. I think we as political people or leftist people, when we sort of imagine a future, we like to imagine it's politique, sort of free of all of the poison avec une conscience politique, et lorsque l'on imagine un avenir sans poison, donc après la révolution, hein, vous me suivez, donc à ce moment-là, le problème sera réglé. Mais en fait, le problème ne sera jamais réglé. Je dirais pas qu'il existe un aspect biologique de l'être humain qui permet d'arriver vers cet idéal. Je crois que l'histoire ne nous quitte jamais. Elle est en nous, l'histoire. Le passé est en nous, dans notre corps, dans notre chair. L'histoire s'imprime en nous. Et même, donc même si on a ce fantasme de l'île, l'existence d'une île, ce fantasme de l'enfant candide et par conséquent libre. Mais cette île n'existe pas, ce fantasme n'est qu'un fantasme. On ne peut pas se libérer, s'affranchir du passé. Et moi, qui me considère comme anarchiste, moi je considère que la chose la plus importante, c'est la libération. That is not necessarily. Et par conséquent, that is something that is a constant fight in any time. So even if we didn't have tout the particular lutte, history that we do have, même sans ce passé, it's very easy malgré to tout, on a vite fait de tomber dans l'ornière du contrôle, du pouvoir. I want to live life, et moi, je veux vivre ma vie. Is this right? Is what we've defaulted en me posant into, la correct, question de la justesse, de ce qui est juste, égal. Et quelle que soit la façon dont nous envisageons l'avenir, il faut se poser ces questions. C'est très pessimiste d'une certaine façon d'imaginer finalement que ces erreurs historiques, que cette ségrégation-là, elle est finalement intrinsèquement liée à l'histoire de l'humanité. I think... Well, yeah, and I mean, I don't like to think of myself as a pessimistic person, but oui, I am. Oui, mais but moi, je n'aime pas penser que je suis pessimiste. Pourtant, je le suis. Hein. Mais quand je regarde le passé, c'est dur de ne pas désespérer. And because even if we do progress, parce que même si nous progressons, the fact that it ever happened in the first place doesn't say, you know. It doesn't speak too well, because then there's always the threat that it might happen again if we're capable of this. Et encore là, on ne sera pas capable de toujours progresser, peut-être. Et par conséquent, d'un point de vue de vie politique, je pense qu'il faut sans arrêt résister cette impulsion au défaitisme. Il faut sans arrêt lutter. Il y a des gens qui se battent pour la justice, la vérité, l'amour à tout moment. Et le fait que nous vivons dans un monde dominé par toutes ces formes d'oppression, eh bien, la logique nous dicte que on se dirait que toute rébellion aurait été écrasée. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est source de beauté, d'optimisme. Il n'y a pas de dictature suffisamment forte pour nous empêcher de nous battre pour l'amour et la liberté. Parlons un peu de votre personnage principal, Aster, qui est donc non-binaire, qui est dans le trouble du spectre autistique, Asperger, qui est vécu tout au long de cette histoire comme paria parmi les parias, puisqu'elle est rejetée par la société. Elle est tout en bas du vaisseau qui s'appelle le Matilda, mais elle est également moquée par ses camarades de dortoir qui comprennent pas son identité de genre. C'est un personnage très très différent du garçon blanc de vos premières nouvelles. Comment est-ce que vous vous injectez vous-même, puisqu'on a, on sent évidemment un reflet entre ce personnage et l'auteur. Comment est-ce que vous avez construit finalement cet alter ego? Je suis présente dans tous mes personnages, peu ou prou. Et ça nous ramène à la question de l'isolement. Always, for as long as I remember, have felt very outside things. Je me suis toujours senti à l'extérieur. À l'extérieur des choses. Parfois, je me décris et ça surprend les gens parce que malgré tout, je suis assez sympathique, hein. Mais j'ai l'impression d'être dans une bulle de verre et tout le monde est à l'extérieur de cette bulle. J'essaye de les toucher, mais je ne les entends pas et ils ne m'entendent pas. C'est ça, cette expérience que je vis depuis mon plus jeune âge. Donc je voulais qu'Aster soit similaire, quelqu'un qui soit décalé par rapport aux autres, par de nombreux aspects, et je crois qu'une partie de cela réside dans le fait qu'il y a des individus qui ont des différences et qui se sentent comme ça. Le traumatisme peut engendrer ce genre de sensation, de sentiment, parce que si l'on a un secret ou si l'on vit quelque chose seul dans l'isolement, eh bien ça change votre relation à l'humanité, aux autres. Et moi, je voulais décrire cet isolement par le personnage d'Aster, isolement que nous ressentons tous à des degrés et à des moments divers. C'est dû à la société qui nous force à nous séparer les uns des autres et donc les différences sont exacerbées et elles deviennent délétères. D'où la création de ce personnage d'Aster. Qu'est-ce que c'est que d'être si isolé des autres ? On sent que dès ce premier roman, vous cherchez à décrire ou en tout cas à construire une société où les repères de genre seraient différents. Certains goudrons, puisque c'est le nom qu'on donne aux personnes des étages inférieurs, aux personnes noires, sont rendus intersexes ou entre deux sexuels par les manipulations génétiques qu'ils subissent. Et on pense évidemment à la main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin ou en tout cas à la volonté de casser un peu là aussi finalement ce carcan de l'identité de genre imposée et verticale. On en parlera dans vos nouvelles suivant, dans vos romans suivants, mais on a l'impression que vous essayez quelque chose, vous essayez d'établir cette nouvelle société, mais en hésitant encore un peu sur la forme à lui donner. Plutôt que d'essayer de définir, j'essaye de m'affranchir des définitions, les catégories qui sont restrictives, source de tourments. On vous oblige à être comme ci ou comme ça parce que vous êtes dans telle ou telle enveloppe, dans tel ou tel corps. Donc c'est une expérience. Je parle d'expérimentation. À quoi ressemblerait le corps s'il est tourmenté à l'intérieur? Donc, de nombreux auteurs et autrices ont parlé d'Ursula Le Guin avec la main gauche de la nuit. Ça s'est sorti dans les années 70, hein, donc c'est pas d'hier. C'est une question qui nous taraude depuis un moment. Hein. Donc c'est très facile pour nous de se dire, ah bah oui, bien sûr, le masculin, le féminin, point final, c'est bon. Mais moi, je crois que tout au long de l'histoire de l'humanité, en fait, ces définitions, ces notions ont toujours été troubles. Ça a toujours été flou. Et moi, je veux abolir cette notion de genre. Par là, j'entends que je veux abolir cette conception du genre en ce qu'elle nous limite, avec cette hiérarchie, ce patriarcat, toutes ces choses-là, la suprématie des hétéros et ainsi de suite. River Solomon est notre invité tout au long de cette heure. Après L'incivilité des fantômes, on va parler de ses deux romans suivants, Les Abysses et Soroland, qui vient de sortir aux éditions du Forge Vulcain. Ce sera dans quelques secondes musicales. Y'all remember. Pressure outside the vehicle, 832.2 bars. Y'all remember when the deep got hot, when y'all moved on up, how y'all used to argue about the water getting warmer, still y'all loved a little bit of light up in the deep, so deep, so, so deep, ay. Y'all remember saying how it couldn't be them two legs, cause y'all came from two legs, and y'all mamas would've loved y'all if they could've breathed, but they wasn't ready for the deep, so deep, so, so deep, ay. Y'all remember when the first blast came. The Deep Clipping sur France Culture dans la méthode scientifique, et nous retrouvons tout de suite River Solomon pour la suite de cet entretien. On va passer à votre deuxième roman qui est très différent du premier dans sa forme, dans sa taille, mais peut-être pas tellement dans ses thèmes. Ça s'appelle en français Les Abysses, The Deep. Est-ce que vous pouvez nous raconter pareil l'histoire, la naissance de ce roman qui a une naissance hors de la littérature, qui vient chercher dans une mythologie afro-futuriste que vous pouvez nous raconter? Yes, absolutely. So, The Deep is really unique. Les Abysses, en fait, c'est assez original, vous allez voir. C'est un travail collaboratif. Une maison d'édition m'a contacté pour dire, dis donc, Rivers, j'ai lu ce que tu as écrit, et les thèmes auxquels tu t'intéresses feraient manifestement de toi l'écrivaine parfaite pour un projet de livre qui repose sur une chanson de hip-hop expérimentale du groupe Clipping. David Dix est le parolier. Donc, écoute le morceau. Dis-moi ce que t'en penses. Je sais que c'est quand même une approche particulièrement bizarre, mais bon. Donc, j'ai écouté le morceau et je me suis dit, mais ouais, c'est ça qu'il faut, on y va. And it's a kind of intense song. It starts, I think, il y a beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup d'intensité. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? Ça commence comme ça, les paroles. The idea of remembering and et memory is obviously le souvenir, so la mémoire, c'est très important pour moi en tant qu'écrivaine. C'est un thème du passé auquel on ne peut pas échapper, on en a déjà parlé. Quel que soit l'avenir, eh bien, il repose sur le passé et notre expérience de vie jusqu'à présent. Bon, ça c'est le point de départ, mais le morceau lui-même repose sur une autre chanson sortie au début des années 90. C'est un groupe funk psychédélique qui s'appelle Drexia. Donc, le morceau vient déjà d'un univers très important. Hein. Donc, l'idée, c'est que il y a cette femme esclave sur un navire qui traverse l'Atlantique. On est dans le commerce triangulaire, là, hein, plus ou moins. Et les femmes enceintes étaient jetées par-dessus bord. Et dans cette mythologie qui a été créée, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Donc, c'était avant moi, ça. Donc, plutôt que de mourir et d'être oublié, au contraire, ces femmes se transforment en créatures sous-marines, une sorte de momies. Vous voyez, bon, c'est un peu compliqué, hein. Bon. quand c'est écrit, et quand on se dit sirène, c'est bon pour sirène, mais sirène, c'est très genré, évidemment. La sirène, la figure de la sirène est très genrée. I'm game for this idea. I'm ready to do it. Ce projet, moi, ça me séduit. Mais c'est une chanson très riche. Et ça dure 4 minutes. Comment en faire un livre? Voilà. Mon problème. Donc, il a fallu que je désosse cette mythologie, que je crée l'univers, et j'ai travaillé cette idée du souvenir. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? Quelle est la profondeur? Quels sont les abysses? Il y a ce gardien de la mémoire qui garde la mémoire de son peuple. En fait, c'est une gardienne qui a cette charge, ce fardeau. Et donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de faire tout ce livre. C'est intéressant parce que vous disiez, il y a quelques minutes, River Solomon, vous évoquiez l'idée, finalement, d'une population qui vivrait sur une île complètement coupée de son histoire, de ses racines, et qui pourrait vivre en ayant perdu, finalement, la mémoire de la ségrégation et des horreurs du colonialisme. Or, précisément, dans Les Abysses, dans The Deep, vous travaillez sur cette notion de la mémoire, puisque ces créatures sous-marines, les Wajinru, bien... perdent la mémoire, on leur retire la mémoire pour les autoriser à vivre. Yeah, absolutely. Like, good connection. Oui, pas mal. Votre transition, faites ça bien. Hein. Yeah, and the idea is that that's not sustainable. C'est pas durable. C'est pas être pérenne, ça. Et dans le livre, j'explique que la mémoire est trop lourde à garder en soi. Et pourtant, il faut préserver cette notion pour l'ensemble du peuple. Mais c'est une charge trop lourde, c'est un fardeau trop lourd au quotidien. Donc, il y aura une personne chargée de préserver la mémoire. Et ainsi, il y a le partage de la mémoire, la catharsis que l'on peut vivre par le partage de cette expérience, et on continue comme ça. Mais bon. Et par ailleurs, il y a une île littérale dans le livre. Hein. Cette gardienne de la mémoire, lorsqu'elle sort des abysses, arrive sur Terre. Les gens sur Terre sont isolés de leur histoire aussi, dans un monde qui, comment dire, les effets désastreux du changement climatique, vous voyez? Et tout cela, ça a oblitéré la qualité de vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ces gens-là sont séparés de ça aussi. Mais la morale en fait de ce livre, malgré tout, ce serait de dire que même lorsqu'on essaye de vivre éloigné, d'enlever cette histoire, de retirer finalement le traumatisme collectif de nos mémoires, on n'y arrive jamais tout à fait. Il est trop profondément ancré dans la société générale et dans les règles de la société pour pouvoir l'effacer complètement. Yes. Yes, and so then how do we deal with that? And alors, I think that's face? The answer is together. Eh bien, la réponse c'est that's why il faut I think, nous rassembler. Yeah, that's why I liked it when you going back a bit this idea of we are here. It is very much a donc on revient à ce qu'on disait plus tôt dans l'entretien. Nous sommes ici, nous pouvons compter les uns sur les autres, nous pouvons nous parler et on peut réparer ces douleurs en étant ensemble, la libération collective. Cette citation que j'aime bien des Abysses, que je vais vous lire, une citation très courte mais qui à mon avis donne bien les enjeux et la profondeur et la beauté de ce roman. Chacun de nous finit toujours par se poser ces questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quelle est la raison de tout cela? Que signifie être? Qu'est-ce qui existait avant moi? Qu'est-ce qui existera après moi? Sans réponse, il n'y a qu'un trou. Là où devrait se trouver une histoire, il n'y a qu'un trou qui prend la forme d'une nostalgie infinie. Yeah. It's very beautiful. I'm a great writer. Moi, je suis une écrivaine formidable. C'est très beau. Yeah. Free commentary. Les commentaires libres. Yes, no. I mean, I think that that's a very personal passage to me. I think oui, something c'est un passage très personnel. I don't know so much in the context of my books, but at least, you know, sort of among my friends and so on, is this idea of the whole of having my history taken away from me by the sort of the transatlantic crossing and mon expérience m'a été retirée. En l'occurrence, pour ce personnage, c'est la traversée de l'Atlantique, ce traumatisme afro-américain. Nous n'avons pas de véritable nom. Notre nom vient de nos propriétaires, quand nous étions esclaves. Donc, notre dignité nous a été retirée. Et qu'est-ce qui reste? Ce trou, cette caverne, ce vide. Voilà ce que je ressens. Et je crois que c'est un sentiment partagé. Nous sommes à la recherche d'une solution pour remplir ce vide. Eh bien, on utilise un fantasme, un faux fantasme que l'on bâtit à propos de soi-même. I think what's interesting, in a lot of ways, even though this is a dark book, bien que le livre soit sombre, c'est quand même une fantaisie, parce qu'il y a cette gardienne de la mémoire qui se souvient de tout, qui en assume la charge. Et quand je pense à mes ascendants, je remonte moi à mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère, et il n'y a pas de gardienne de la mémoire chez moi, dans ma lignée. Alors évidemment, il y a des chercheurs, des universitaires qui essayent de puiser la vérité dans le passé. Venons-en à votre dernier roman, Soroland, qui vient de paraître donc toujours aux éditions des Forges de Vulcain. Alors, vous venez de dire à l'instant, River Solomon, que vous trouviez finalement que Les Abysses était un roman très sombre. À mon avis, Soroland est peut-être le plus sombre de tous. Yeah, I think part of the reason why it's so dark is that with unkindness and with the deep. Parce que Incivilité des fantômes et Les Abysses, bien qu'ils traitent de sujets similaires, il y en a un qui a lieu dans l'espace, l'autre dans l'océan, avec ses recréations mythologiques. Soroland a lieu sur les terres d'Amérique. C'est contemporain et ça repose sur une histoire très précise. Des événements réels qui ont eu lieu. Donc, le côté sombre l'est d'autant plus pour cette raison. Et même le titre Soroland, cette terre de la douleur, de la peine, c'est en fait une expression de l'identité des États-Unis et de toutes les puissances coloniales d'ailleurs, tout ce sang versé dans la terre. Vous commencez d'ailleurs ce Roland par une petite introduction de votre plume qui parle finalement de cette terre qui n'est pas américaine, qui avant tout appartenait à d'autres peuples, aux peuples natifs américains, à un certain nombre de tribus que vous citez. C'est de la reconnexion précisément entre toutes les populations qui ont été les victimes de la colonisation britannique, puis après de l'État américain. C'est finalement la lutte intersectionnelle à laquelle beaucoup de gens dans les communautés alternatives aspirent. Yeah. Oui, absolument. And part of why I make that note at the beginning of the book and au début du livre, I think this has become a slightly un avant-propos. En fait, c'est devenu assez banal. Hein. Aux États-Unis et au Canada aussi, on fait une reconnaissance envers la terre. Donc, il s'agit de reconnaître le passé. It's putting what we sort of accept at face value. Oh yes, this is the United States. On se dit oui, ce sont les États-Unis. Well, what does it mean to say that this is the United States? Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que cette terre c'est les États-Unis? Et pour moi, si je devais écrire un livre sur les États-Unis intitulé Soroland avec la description de cette terre et de ce qu'elle a vécu, eh bien, on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas faire l'économie de parler des Amérindiens. extracted from the des land, peuples and, arrachés à leur terre. But also are still there, surviving and mais fighting qui for sovereignty. Existent, qui se battent yeah. pour leur souveraineté. On suit ce personnage, Verne, qui est toute jeune, qui fuit d'une secte dont vous allez nous parler d'ailleurs, qui est une secte qui s'appelle le Domaine Béni de Caïn, et qui va accoucher de deux jumeaux qu'elle va appeler Hurlant et Farouche, et elle va évoluer au fil des années, parce que c'est un roman qui se passe sur une longue période, et en étant chassée par un démon. C'est un roman qui parle beaucoup du souvenir de l'amitié, de son ami qu'elle avait rencontré dans cette secte et qui a fui. Et puis c'est un roman qui parle aussi de la transformation et de la monstruosité du corps. C'est très très singulièrement différent de vos deux premiers romans. Quelle est là aussi l'idée, le point de départ? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter, la première image qui a permis à Soroland de pousser? Yeah. I think more than any other of the more than the other books I've written. Plus que pour les autres livres que j'ai écrits, Soroland commence par une question. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi les gens sont-ils ainsi? Pourquoi est-ce que cela se passe comme ça? Ce n'est pas juste. Il y a tant de souffrance. Pas de la souffrance en raison d'une catastrophe naturelle ou d'une inondation, mais parce que ce sont des souffrances créées par l'homme, une douleur voulue par l'homme. C'est une question qui me rend à la fois furieuse et triste. Voilà, c'est de là que vient ce personnage de Verne. Elle sort de cette douleur et de cette question. Elle a vécu l'oppression dès son plus jeune âge. Et elle se dit, je vais m'extraire du peuple des hommes. Et donc, on se pose la question de l'identité de cette personne. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? On ne peut pas se retirer de l'humanité. Et si on y arrive, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer la face du monde. Et à ce moment-là, il y a quand même en nous un petit être en nous qui pose cette question, pourquoi, et qui veut changer les choses. Les gens se disent, et c'est le cas de Verne, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis pas comme les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Verne, elle fuit une secte qui était une sorte de société religieuse, un peu apocalyptique, construite par des Noirs américains qui aussi veulent se retirer du monde pour vivre ensemble et qui vont avoir évidemment des pratiques sectaires et notamment Verne est enceinte du révérend. Donc les méchants, c'est aussi la communauté, c'est aussi la volonté d'établir une communauté en dehors de la société. Yeah, Oui, c'est assez triste d'ailleurs, parce que lorsque ce groupe a commencé à se réunir, moi, je me suis dit qu'il fallait qu'ils se disent, oui, on peut faire mieux, mais il y a quand même ce poison en nous, ce poison auquel on ne peut pas échapper, on ne peut pas s'affranchir des choses pour opérer un changement pour le meilleur. Donc ce domaine béni de Caïn, ça s'applique, cette notion s'applique au séparatisme, au mouvement séparatiste. Ces idées, ces fantasmes de vouloir faire autrement. Comme quoi, par exemple? Well, I think who I based Caïnland on, l'inspiration du domaine béni de Caïn me vient de mouvements séparatistes noirs, les mouvements nationalistes noirs aux États-Unis, qui se sont rassemblés dans des camps ou des sectes géographiquement sérieux, si vous voulez. Mais sinon, vous avez la Nation de l'Islam, incarnée par Malcolm X. Et puis, il y a aussi un autre groupe qui s'appelle les Israélites Noirs. Ces deux mouvements, ces deux groupes, rejetaient le christianisme. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi. Donc, comment convoquer les traditions religieuses pour aller sur la voie de la libération? Mais les Israélites noirs ne sont pas si connus, notamment à l'international, mais ils ont reproduit la misogynie, le sexisme, des gens qui sont anti-queer, anti-gay, homophobes, tout ce que vous voulez. I was starting with, so you have these people who, in many ways, I agree with. Ah yes, black liberation, I understand. Donc la libération noire, on comprend, très bien, parfait. On comprend pourquoi ils font ce mouvement séparatiste. Ils se disent qu'ils vont jamais recouvrer leur dignité dans la société, donc ils vont créer leur propre société. Ça, on comprend, très bien. Mais ensuite, ça dérape complètement. On arrive à la fin de cet entretien. Un mot pour conclure, River Solomon. Vous dites que le meilleur conseil qu'on vous ait donné, c'est écris ce qui te terrifie. Yes, absolutely. Ah oui. Qui vous a donné ce conseil? I don't know. I mean, I know that advice very well. I remember when I. Je me souviens de ce conseil. It might have been something that I read from an interview. Peut-être from que j'ai lu ça dans un entretien d'un autre auteur. Dommage que je m'en souvienne pas. En tout cas, je garde ça à l'esprit. J'en ai déjà parlé. Je crois que nous devons nous plonger dans l'obscurité si l'on veut changer les choses, si l'on veut prendre les problèmes à bras le corps. Moi, je pense que mes livres sont intenses. Parfois, j'ai l'impression de me retenir quand même. Parfois, j'écris des trucs et puis j'efface immédiatement. Parce que là, je me dis, oh, c'est too much, c'est trop. Et pourtant, la réalité dépasse la fiction, parfois. Donc, c'est un objectif, c'est un dessin, c'est une aspiration pour moi. Et encore, je me retiens. J'écris ce qui me terrifie, mais dans une certaine mesure, quand même. Je me rends vulnérable, je m'expose quand je couche les mots sur le papier. Et cette vulnérabilité, c'est quand même la clé de tout ce que j'écris. C'est ça qui va nous permettre un meilleur rapport au monde et à l'autre. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qui vous terrifie maintenant? Sur quoi vous écrivez? C'est quoi la suite après ce Roland? Yes, so... Am I allowed to say it? I'm going to say it anyway. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Bon, allez, on s'en fout, j'y vais. I'm writing now. It's called Model Home. Model Home. Voilà le titre de l'ouvrage. C'est une espèce de maison hantée, une histoire de maison hantée, mais revisitée. Trois sœurs adultes, mais qui ont grandi dans une maison hantée dans la banlieue aisée de Dallas. Au Texas. Les parents sont décédés et maintenant il faut qu'elles retournent dans cette maison. Donc encore le passé, voyons, on provoque le passé à nouveau. Merci beaucoup, River Solomon. Thank you very much for having with us. Yes, thank you. Merci. Tous vos textes, Soroland qui vient de sortir, Les Abysses, l'incivilité des fantômes, sont traduits par Francis Guévremont et publiés aux Forges de Vulcain. Merci donc à River Solomon. Tous ses textes, Sorrowland qui vient de sortir, Les Abysses, L'incivilité des fantômes, sont traduits par Francis Guévremont et publiés aux Forges de Vulcain. Merci à Xavier Combes pour la traduction à l'antenne. Vous pouvez retrouver, comme toujours, l'interview en intégralité et en version originale sur le site franceculture.fr. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Naguette Saint-Vulfran, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi et Jean-Guilain Mège à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.